Ancora Caparixi Picciolis. Tu a fare che tu carico io, dai con le cai faccio io, chi sa cura. Tu a fare che tu carico io, chi sa cura. J'pouvais t'en lasser avec je lassais. C'est qu'on est tenace, embrasser. C'est comme aller dire à qui aux grosses connasses on me remplaçait. Petit c'est pas facile, y'a des amours faux, des amitiés qu'on assassine. Dieu m'a évité des problèmes au corps vendre de la scie. J'entasse des billets jaunes dans mon coussin pour effet ma placer. Moi cadenassé, mon cœur j'ai perdu la clé. T'as un GDS, une grosse salope, en gros une vie bâclée. Tu t'es dit ta clé, mon ami j'ai l'expérience. J'allais braquer des banques, j'avais encore l'acné. Faudra plus me rappeler si je t'avais prévenu. Tu l'aimes encore comme si tu l'idolâtrais. Soleil au Mayabé, t'as volé ton ami, t'avais la même cachette. Toi non, tu ne veux pas la paix, t'auras pas d'alibi. On va te trouver sur le canapé, y'a des choses qu'on ne peut pas faire, trop peur d'y arriver. Des bases amis quand je l'ai dit, ça tout cassé. Un trou dans une impasse, puis step, on va passer. T'es un fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. Les comptes, on fait tout assis. J'ai dans les partages, un goût ainsi. Laisse tomber, toi t'es fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. Je rentrais de l'école, fallait faire ses devoirs, mais j'avais rien dans le cartable. C'est pas que j'étais un cave, non, non. Mais juste qu'apprendre avec vous, bah c'était pas pour moi, non, c'était pas pour moi. Fallait rester sur une chaise. Moi je voulais voir le monde, voir la bonté des gens et le ressentir à chaque seconde. Au lieu de ça, je restais là. La tête me rend mauvais. Le week-end, tu peux rien faire si dans les poches t'as pas de l'OV. Frère, c'est bien connu. On vit, on évolue. Aujourd'hui t'es en Gucci. Tu meurs, tu pars tout nu. Ce temps est révolu. Achète mes dents de la pierre. Et si l'oseille était là, les autres seraient revenus. Soleil au Mayabé, t'as volé ton ami, t'avais la même cachette. Toi non, tu ne veux pas la paix, t'auras pas d'alibi. On va te trouver sur le canapé, y'a des choses qu'on ne peut pas faire, trop peur d'y arriver. Des bases amigo, je l'ai dit, ça tout cassé. Un trou dans une impasse, puis step, on va passer. T'es un fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. Les comptes, on fait tout assis. J'ai dans les partages, un goût ainsi. Laisse tomber, toi t'es fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fougazi. Des bases amigo, je l'ai dit, ça tout cassé. Un trou dans une impasse, puis step, on va passer. T'es un fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fou, gazier. Des vrais amigos, je l'ai dit, ça tout cassé. Un trou dans une impasse, puis step, on va passer. T'es un fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fou, gazier. Les comptes, on fait tout assis. J'ai de les partages, un goût ainsi. Laisse tomber, toi t'es fou, vas-y. T'es qu'un traître, t'es qu'un lâche, t'es qu'un fou, gazier. Alles is Fugazi, ja? Fugazi, Fugazi. Weet je dat wij Italianen alleen kennen door Amerika? Waar heb je het over?